où je vis, le temps s'est arrêté. La campagne s'est résumée. Seul encore bavarde quelques oiseaux. Le soleil frappe à mes carreaux. Je suis venu depuis le fond des âges pour te porter cette nouvelle. Voici le temps de partir en voyage et de sortir de ta caverne. Je m'en vais donc quitter la maison pour m'en aller vers cet ailleurs. L'univers se déploie en floraison, prémisse d'un monde meilleur. Je serai la gardienne du chemin sur les routes de Compostelle. Voici le temps de suivre à cet appel quand on va tomber pèlerin.